C'est la deuxième partie de sur le Terry à Marcinelle avec Jean-Paul Nelequet, qui est incroyable. C'est une mine d'informations avec un bête mot, un bête jeu de mots. Mais avant, on écoute un reste de rencontres par rapport au vote en Belgique. 3, 4, oh. Ben voilà, maintenant il s'est mis à pleuvoir. Hein. Ben, merci vous là, de les trois. Et donc la question, c'est celle-là. Hein. Il va falloir aller voter en Belgique. Il va falloir aller voter en Belgique. Vous en pensez quoi? Alors, vous allez voter quoi? Moi personnellement, je suis français. Je ne sais pas si je peux voter en Belgique. J'ai jamais voté. Ouais, tu votes, on s'en fout. Mais tu n'as jamais voté? J'ai jamais voté. Parce en Belgique? En Belgique et non plus en France. Quand j'ai eu l'âge de voter, c'est vrai que les candidats n'étaient pas forcément pertinents pour moi, d'après mes idées, disons. Et surtout, je considère que le vote, c'est aussi une passation de pouvoir. Qui se fait sans contrepartie en fait sûre. C'est-à-dire qu'en fait on offre notre pouvoir politique à une personne qui promet d'agir sur certaines questions, mais qui n'en est pas tenue. Et je trouve qu'en fait c'est contraire pour moi à ce que c'est la démocratie. J'ai plutôt l'impression justement que ça nous offre pas réellement un pouvoir d'action. Et je serais plus justement d'avis à peut-être aussi comme les Suisses, donc plutôt à justement à être actif dans la politique et dans la création des lois en les votant, en parlant par des référendums. Des référendums, bien sûr, ceux qui ne sont pas écoutés en France. Parce qu'il paraît que les référendums, même, c'est pas toi qui les décides, quoi, les référendums. Non, mais les contenus, les sujets des référendums, c'est pas toi qui les décide, c'est pas le citoyen qui les décide. Quoi. C'est pas les citoyens qui vont décider justement des questions à aborder. Et en fait, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a aussi toute une connivence en fait médiatique avec le politique, ne serait-ce que par aussi les propriétaires des médias qui vont véhiculer leurs idées, mettre en avant leurs candidats, ceux qui les arrangent eux-mêmes, et aussi créer des questions qui les arrangent, tout simplement. Donc tu ne vas pas voter? Non. Tu continueras à ne pas aller voter? Ouais, je continuerai à ne pas aller voter, bien sûr, clairement. Ouais, on fait comment alors pour changer la donne? Moi, je pense qu'il faut changer de toute façon le système politique. Et en fait, comment? Après, j'ai peut-être pas forcément les termes ou les meilleurs des termes, mais tu as beaucoup de chercheurs qui en fait font des initiatives collaboratrices, collectives, et je pense que aussi ça peut fonctionner, surtout avec un panel en fait d'experts, de chercheurs. Bernard Stiegler est assez intéressant justement par rapport à ces avis-là. Et je pense que l'action, elle se fait surtout dans la discussion, dans l'échange de savoir, et non pas dans la manipulation, non pas dans la marchandisation en fait de l'information. Enfin. Sacré. Et toi alors ? Moi, je suis censée voter pour la première fois cette année. Je suis pas. Pourquoi? Parce que tu vas avoir 18. J'ai eu 21 en septembre. Du coup, depuis les dernières élections, ça s'est pas fait. Donc, en principe, je devrais voter cette année. Je sais pas trop ce que je vais faire parce que je suis un peu le cul entre deux chaises, d'une certaine manière, par rapport à en tant que femme tout ce qu'on a dû faire pour pouvoir voter. Et pour avoir une parole quelque part, et entre mon côté anarchiste qui j'ai pas très envie de prendre position je suis très gauchiste, même si bon techniquement anarchiste tu ne choisis aucun parti, mais si je devais voter je voterais à gauche voire extrême gauche. Sauf que il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans les programmes du PTB, je trouve pas que c'est forcément toujours très juste. Même le PS, ils essayent souvent de rameuter les jeunes à grands coups de « on va légaliser le cannabis » et des choses comme ça. C'est plutôt, je trouve que c'est un peu hypocrite parce que bah, c'est des choses de toute façon qui ne feront jamais ou pas avant longtemps, je pense, en Belgique. Et du coup, je sais pas vraiment, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je vote, est-ce que je vote pas, je sais pas encore. Voilà. Pas mal, pas mal. Mais c'est marrant, donc tu vas voter la première fois parce que c'est vu ton âge, quoi. Puisque c'est ça, hein. Ouais, tu vas voter parce que c'est la première fois maintenant que tu dois le faire. C'est vrai, quoi. Mais c'est juste que je suis pas encore très sûre de vouloir prendre parti pour des arnaqueurs, hein, clairement. Arnaqueurs, arnaqueuses, on va pas se mentir. Surtout que je pense que ce sera difficile de faire monter l'extrême gauche au pouvoir. Donc, voilà. Bon, ben. Aussi, Simone Veil, la philosophe et pas la femme politique, est assez intéressante et un point de vue que je trouve assez pertinent. Elle se considère apolitique et parce que justement elle se méfie des partis politiques qu'elle considère prosélytes et surtout qui vont amener une cohésion sociale, mais surtout en fait vouloir absolument intégrer des voix et donc jouer dans la démagogie. Et en fait, tout ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Moi-même, je me considère apolitique. Je ne saurais pas dire si je suis de droite, de gauche. Parce que pour moi, ça n'a plus vraiment de sens. Je serais plus pour, une remise en cause du système. C'est Macron qui dit ça, je te titille. Hein, c'est Macron qui dit ça, ni de gauche, ni de droite. Parce que c'est le en même temps. Oui. En fait, il est de gauche et de droite à la fois. Mais en fait, il est surtout... Facho, surtout. Et en fait, il est surtout capitaliste. Enfin, c'est surtout ça, en fait. C'est la religion de l'argent. Enfin, c'est la politique de l'argent. Du coup, j'ai fait un lapsus, religion de l'argent. C'est bien dit, non? Mais oui, Macron, en effet, il est dans le... Je t'ai coupé, oui, parce que tu disais, tu étais là, parti dans un élan, là, et puis je t'ai coupé en disant, oui, mais c'est Macron qui dit ni de gauche, ni de droite, fais gaffe, hein, parce que... Ouais. Bah oui, parce qu'en même temps, il voulait des voix. Mais toi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis comme Macron? Moi, je me considère comme apolitique. Macron, il n'est pas apolitique. Son lui-même, il en fait son métier, enfin, il en fait son gagne-pain. Et en fait, ça veut dire parce que la politique politicienne, et dans ce cas-là, on peut aussi écouter Michel Onfray, qui parle justement de cette politique. Non, lui non plus, j'ai un peu. j'ai un peu. Bah après. Je me suis intéressée, j'ai lu des livres de lui, et en fait, il est devenu puant aussi, ce monsieur. C'est ça. Je sais pas s'il est devenu. Ouais, il a des idées extrême droite, quoi. Alors, extrême droite. Ouais, j'ai. Je trouve ça un peu compliqué. Ça. Il est devenu de plus en plus. C'est plutôt antinomique. Je le vois plutôt comme. En plus, il tire énormément de ses idées de Michéa, qui est quand même genre un très grand penseur de gauche. Ouais, Michel Onfray de droite ou de gauche. Franchement, je saurais pas le dire. Franchement, je ne saurais même pas. Enfin, là, on part vers autre chose. Mais quand tu dis que tu es apolitique, ni de gauche, ni de droite, waouh, c'est... En fait, j'ai l'impression que la politique n'est pas au service du peuple. Ah, voilà. À partir du moment où la politique sera au service du peuple et de la cohésion sociale, oui, ça pourrait fonctionner. Mais là, en fait, c'est d'autres enjeux. Et c'est pour ça qu'en fait, la politique, elle est utile à partir du moment où elle est effectuée dans un autre système que le nôtre. Je trouve que notre système, dans tous les cas, est corrompu et mafieux. Et tu parlais de puant. Bah ouais, notre système, il est puant. Clairement. Mais donc on pourra faire que subir tout ça alors tout le temps? Ah moi je suis complètement défaitiste. Hein. Ah moi je suis complètement défaitiste, bien sûr. Bien sûr là on arrive à la fin. On arrive à la fin de notre système qui est justement construit toute notre économie est construite à partir de denrées qui sont limitées. Et on pensait que notre système serait illimité. On va tomber justement dans un principe de surabondance, de surproduction. Avec une paupérisation, avec une prolétarisation, donc ça c'est un terme aussi stiglerien, où en fait une perte de savoir, une perte de connaissances, une perte d'emprise en fait sur notre réel. Merci Andy Ami, je vois que tu bookines bien là, non? Tu bookines bien, il bookine bien lui. Hein. J'aime bien. Et juste vos prénoms, comme ça vous pouvez dire n'importe quoi, mais comme ça on met un petit nom. Moi c'est Jimmy. Moi c'est Emma. Comment tu as dit? Emma. Merci alors, hein. Merci. Super. Trop bien. Et j'aimais vraiment bien les gens. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. J'aimais bien ce petit texte qui a circulé sur le réseau qui commençait par « Les gens disent souvent avec fierté « Je ne m'intéresse pas à la politique ». Il pourrait aussi bien dire « Je ne m'intéresse pas à mon niveau de vie, ma santé, mon travail, mes droits, mes libertés, mon futur, ni aucun avenir. Si on veut garder un quelconque contrôle sur notre monde et nos vies, on doit s'intéresser à la politique. » Et c'est une dame qui a écrit cela. C'est Martha Gellhorn, écrivaine et journaliste, 1908-1998. Voilà. J'aime bien l'idée. Après, c'est toujours un peu moralisateur comme ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, je comprends tout à fait les gens qui sont dégoûtés d'aller voter. Vous voyez, c'est peut-être justement parce qu'on a légué notre pouvoir qu'on se sent plus concerné. Et donc, il y a quelque chose qui nous a échappé, quoi. Micro ouvert. Je suis. Regarde. Oh. Tu veux mettre ta main? C'est chaud? Oui. On voit. Ah, oh, c'est incroyable ça! C'est incroyable, c'est même bouillant quoi! Oui. Tu dis? Le terri est en combustion. Alors, c'est un phénomène naturel sur les terris. Parce que dans les déchets qu'on a ramenés, il y a du schiste, il y a du grès. Donc, le schiste, ce sont des anciennes vases sur lesquelles poussaient les plantes. Le sable, ça s'est transformé en grès, puisqu'on était sur une zone littorale, et il y avait ce charbon, mais en plus, on était dans une période où il y a une minéralisation de certaines choses qui s'est faite, des sulfures de cuivre, etc. Et il y a une roche, un sulfure de fer, ou de cuivre, selon, qui s'appelle la pyrite, qui s'appelle l'or des fous, parce que ça ressemble à de l'or, en fait. Ce sont des cubes en or, et ça a la particularité de s'échauffer, voire de s'enflammer, au contact de l'air et de l'eau. Et comme il y a du charbon résiduel, parce que le charbon, quand on remontait les berlines avec le mortérin et le charbon, quand on triait, au départ, les femmes triaient à la main. Donc, il restait parfois du charbon qui partait. Et ce charbon, qu'on appelle des gaillettes oubliées au triage, se retrouvait sur les terris. Et donc, il y en a encore ici dans le terri. Et de la pyrite qui va s'enflammer au contact du charbon, eh ben le terri, ça devient... C'est incroyable, parce que tu vois, c'est vraiment toi qui... J'ai jamais vu ça. Je suis déjà venue sur des terris. Ouais, ouais. Je sais pas si tu te souviens, t'avais, je sais plus son nom, un monsieur qui avait fait tout un projet avec des SDF. Il avait squatté un terri en amenant des tentes, des sacs de couchage, Denis Huvier. Oui. Il avait fait tout un projet comme ça. Ouais, ouais. J'avais été faire un micro ouvert avec lui sur le terri pour. Mais il y a encore actuellement. Pour aider les gens, pour aider les gens qui étaient dans la rue. Oui, mais il y en a encore qui logent sur le terri. Et il y a même un gars qui a une friterie à Charleroi qui régulièrement leur offre une tente, un sac de couchage, etc. Mais donc, tu vois, si tu m'avais pas montré, j'aurais jamais vu ça, quoi. Donc, on voit de la buée, la fumée. C'est de la buée ou de la fumée? C'est de la fumée, en fait. Ça fait penser comme, tu sais, au volcan, en fait. Oui, mais c'est un peu un volcan. Ah, c'est ça. On estime qu'au milieu d'un terri en combustion, maintenant, il y a, à part un rancard, On voit. Ça, c'est le terri du Boubier, celui-là. C'est le plus haut. Ça, c'est la chaîne des terris. Ah, c'est incroyable, quand même, c'est vrai. Là, on parlait du croissant fossile qui partait. Eh bien, si tu suis cette ligne, tu vas avoir une. Les terris sont alignés sur toute cette ligne. Ah ouais. Ouais, c'est fou parce que, en fait, moi, je me rends compte, comme ça, en faisant un micro ouvert avec toi sur les terris, que. Ben oui, je le sais, mais. C'est toute une histoire, tout ça. Hein. Ça, c'est un autre aspect des terris. Hein. C'est la végétalisation, c'est les points de vue. Où là, on a une vue assez extraordinaire sur, justement, le passé industriel. L'actualité industrielle de Charleroi. Parce que là, on est sur tout ce qui est... Là, on est vers Marchienne. C'est tout ce qui est sidérurgie. avec ce qui reste de la sidérurgie, parce que il y a les trois quarts qui ont disparu, hein, avec la fermeture de la Providence, de Coquerel-Sambre, etc. Mais il reste encore Carcit, Timarcinel et compagnie. Et alors ici, on peut encore voir, là-bas, si tu vois, il y a encore deux chevalements. Donc là, c'est encore deux puits de mine, où il reste encore la structure métallique au-dessus. Le terri qui est là-bas, c'est le terri du Boubier, c'est le plus haut. Il est situé à Châtelet, limite Châtelet-Bouffiou. C'est le plus haut de Belgique. Et alors, ben, on voit les autres terris qui sont vers Gilly, etc. Terri de l'Épine, plus loin, c'est le terri du Gouffre. Mais t'en connais des trucs, toi ? Bah, un petit peu. Bah oui, mais c'est tu connais bien ta région, quoi, oui, en fait. Oui, c'est ça, oui. Tu es né ici. Oui. Tu as travaillé ici. Oui. Tu t'es formé ici. Tu voilà. Connais. Voilà, oui, oui, oui. C'est dingue. Et en plus, tu me racontes que tu as connu vraiment l'époque où les gens vivaient, vivaient ensemble, quoi. Oui, pourtant, oui. T'es pas, c'est fou parce qu'il n'y a pas plein d'années non plus. Hein. Bah, tu vois, je veux dire, le temps, il a... Ah, oui, c'est ce que je veux dire, que le temps, il a entre notre... 50 ans, c'est fou. Ça, oui. C'est dingue. Hein. Oui, oui, oui. Oui, mais allez, je parlais du quartier. Dans le quartier, il y avait une télévision. C'était chez un voisin. Et il n'avait même pas de meubles. La table et les chaises, c'était des caisses à orange. Tu vois Mais il avait la télévision. Il avait la télé, ouais. Et chez nous, on avait le luxe d'avoir le téléphone. Et donc, tout le quartier venait téléphoner chez nous. C'est... Il y avait l'entraide, quoi. Et ça, c'est pas du pipeau. Non, non, absolument, absolument, ouais. Je sais que c'est une conne question, mais j'ai envie de la poser. Mais il y avait de l'entraide, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il n'y a plus d'entraide aujourd'hui ? Ben je... Moins d'entraide ? Moins d'entraide, parce que ben, on sait... D'abord, les gens étaient tout le temps ensemble. Maintenant, ben, la voiture a fait aussi que... Avant, on prenait le tram ensemble, on prenait le train ensemble. Donc, on était tout le temps ensemble. On vivait dans les quartiers, on vivait dans les rues. Maintenant, les enfants jouaient dans les rues. Maintenant, les enfants ne sauraient plus jouer dans les rues. Avec le charroi qu'il y a dans les rues, c'est impossible. Et le quoi, t'as dit ? Le charroi. Charroi. Ben, les voitures, le trafic. C'est comme ça que t'appelles les bagnoles ? Oui, oui. Ouais. Charroi ? Le charroi, ben, tout ce qui est... C'est du wallon ? Non, c'est français. C'est... Charroi ? Charroi. C'est tout l'ensemble de tout ce qui est roulant sur une route. OK. Ouais, ben, les camions, les voitures, etc., quoi. Tu vois ? Quand on voit maintenant qu'on essaye de remettre des vélos et les piétons à l'honneur, c'est... Moi, je fais du vélo aussi, je fais des visites à vélo aussi. Encore la semaine dernière, je fais des visites dans des rues prévues pour les piétons. Tu as des automobilistes qui sont garés sur les pistes cyclables. Et quand tu passes, que tu dois passer entre deux rétroviseurs, ils t'engueulent encore, quoi. Oui, mais c'est... ça, c'est parce que c'est leur voiture. C'est... Oui, oui, mais je veux dire, c'est la complication des politiques menées, surtout, c'est avant ça, tout, oui, tu ben, vois. Oui, et les gens, après, ils se prennent la tête, mais... Oui, voilà. Oui, parce que, ouais. C'est une sacrée histoire, parce qu'évidemment, moi, je préfère les gens à pied aussi. À vélo, c'est encore plus sympa, et... Oui. Les bagnoles, ça va avec ton cerf-volant, là ? On le voit pas, mais j'en peux... Je suis désolée, parce que je peux pas le prendre. Oui, oui, non, mais ça va. Mais il y a le parapluie qui vole, et t'as Jean-Paul qui est prêt à s'envoler avec, parce qu'il y a vraiment du vent. C'est super drôle. Mais je veux dire, pour reprendre les politiques, c'est plutôt les politiques menées qui font qu'on se bagarre entre nous, tu vois, et c'est ça qui est dommage. En fait, on a laissé installer... allez, moi j'ai un petit-fils qui est en chaise roulante, mais c'est la croix et la bannière quand on doit se déplacer dans une rue, parce que les voitures sont garées sur les trottoirs, parce que même les décisions qui ont été prises, on fait un trottoir qui fait un mètre de large, ça va, on peut passer avec une chaise roulante électrique, et puis on vient mettre un poteau de signalisation au milieu, ou bien des poubelles fixes, etc. Et donc même les autorités... Ne respecte pas un minimum de logique, quoi. Moi, je crois que c'est le départ, parce que après j'ai des discussions avec les gens, tu vois, pour savoir est-ce que c'est les gens, les petites gens, on va dire, pour qu'on se comprenne, ou bien c'est les politiques. Mais les petites gens, elles ont envie de vivre tranquillement, quoi, en gros, voilà, tu vois. Voilà. Je veux dire, c'est pas elles qui décident si une rue est à sens unique ou pas. Je dis une connerie, moi, mais je pourrais trouver d'autres exemples, quoi. Je veux dire, c'est pas elles qui décident si on va avoir un téléphone dans sa poche. Enfin, voilà, tu vois, c'est toutes c'est des... Ça, oui. C'est tout, je ne sais pas ce que tu en penses de ça et qu'est-ce que tu auras envie d'autre à rajouter. On crée des besoins aux gens. Allez, si je repars, allez, je vais pas être nostalgique à ce niveau-là, mais dans les années 60, on avait quasiment rien et on était heureux. Maintenant, on a plein de choses et on n'est jamais satisfait. En plus, on devient esclave de nos téléphones, de nos ordinateurs, etc. Donc, c'est complètement dingue de voir ça. Et c'est dépersonnaliser les choses. Hein, c'est pas nouveau, hein, ça. Je me souviens d'un reportage à la télé, à la radio, dans les années 70, où il y avait un des premiers écologistes, Brice Lalonde, français, qui vient à la RTB pour une interview. Et il dit, et on lui pose une question justement sur cette situation, donc déjà dans les années 70. Mais quelle situation ? Ben, le fait que ben, on est tributaire d'un certain mode de vie et que il y a une déshumanisation de notre vie. Ouais. Et il dit, voilà, vous m'invitez ici pour une interview et quand j'arrive, vous payez quelqu'un pour venir me dire bonjour et m'amener ici. Donc, ce n'est même pas vous qui venez m'accueillir, quoi. Donc, et maintenant, allez, si on va plus loin, on commence à parler d'intelligence artificielle, donc où on ne contrôlera plus rien, et où on va même dans certains homes, j'ai vu ça, mais je ne sais plus où j'en ai vu un, dans un hôtel où on a des robots qui viennent t'accueillir et qui te conduisent à la chambre ou qui te... Ouais, nul, quoi. Ouais, bah c'est ça. Bah, Et en fait, quelque part, c'est aussi ça qui fait qu'on a des crises économiques, c'est qu'on remplace l'homme par la machine, mais l'homme, qu'est-ce qu'on en fait ? On le jette à la poubelle. Hein. Oui, voilà, et on le laisse, voilà. Ouais, ça n'a plus d'importance. Oui, c'est ça, c'est un gros problème encore. Mais c'est ça l'histoire du charbon, c'est l'histoire aussi de l'énergie, mais c'est l'histoire de l'industrie, c'est l'histoire de la modernité. Des gens, oui, c'est ça. Les gens, qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, c'est, si on a eu tout ça, c'est au départ, c'est parce qu'il y avait des gens pour travailler, pour aller chercher le charbon, etc. Oui, mais on aurait mieux fait de pas aller le chercher, le charbon, hein. C'est-à-dire que... Ils étaient obligés, c'est oui, ça qu'il faut voilà. dire. Ce qu'il aurait fallu, c'est que, et encore aujourd'hui, il faut réfléchir à la manière dont on fait les choses. En disant, voilà, on va mécaniser, on fabrique des voitures, il n'y a plus personne qui travaille dans les usines. Le charbonnage aujourd'hui, il y a des charbonnages en Allemagne où il n'y a plus personne. Hein. Les machines travaillent toutes seules. Oui. C'est juste ça veut dire que ça continue, le charbonnage continue, mais c'est les machines maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et donc c'est bien une volonté supérieure, quand je dis ça, c'est... Oui, mais je crois que ça échappe aussi, c'est toute l'humanité qui est... On est parti sur une expansion et... Moi, ça m'intéresse de discuter de ça avec toi, donne-moi vraiment ta vision, mais ce qui n'est pas juste, selon moi, tu vois, c'est que la population, les petites gens, comme je parlais, enfin, la masse des gens, elle subit... Les politiques menées par les ingénieurs, les industriels, les politiques. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si c'était à marche forcée, quoi. Oui. Oui, quand on voit qu'on utilise les ressources de la Terre en 3 mois par rapport à ce que la Terre peut produire en 1 an, et puis on vient encore parler de croissance. C'est pas possible, la Terre, elle va exploser à un moment. Oui, c'est parce que tu disais juste. Elle va pas exploser. La Terre, elle va reprendre ses droits. Et l'être humain, et il y a des scientifiques qui le disent, hein, je ne sais pas s'ils ont raison, mais on peut se poser la question, c'est on est les dinosaures et on est prêts à disparaître. Hein, c'est la cinquième grande extinction de l'humanité. Ben, on y approche. Hein, ça ne sera peut-être pas dans 100 ans, mais voilà, on est parti vers ça. Et ce n'est pas l'être humain qui va maîtriser ça, parce que je crois que l'être humain, maintenant, c'est une fuite en avant. Voilà. On a des chômeurs, donc il faut créer de l'emploi. Mais créer de l'emploi, consommer, il faut consommer. Donc on va utiliser les ressources de la Terre, ces voitures électriques. Il y a un exemple qui, moi, me choque, c'est qu'en Bolivie, il y a un lac de sel qui s'appelle le lac Uyuni. Et en fait, c'est un grand réverbère pour l'effet de serre. Comme c'est une immensité blanche, ça renvoie les rayons du soleil vers l'espace. Donc ça contribue à l'effet de serre. Eh bien, actuellement, on a commencé à le détruire pour aller chercher les terres rares pour faire des voitures électriques. Ouais. quand on vient nous dire bah, l'impact avec, sera mieux avec les voitures électriques, c'est pas vrai, parce qu'on va les fabriquer. On va les fabriquer dans des usines en Asie polluantes. Hein, au lieu de le faire ici, ici on a conscience tranquille, nous on pollue plus. Mais on consomme des produits qui ont été fabriqués en polluant, qu'on achète ailleurs. Quoi. C'est... Parce que qu'est-ce que tu penses, toi, de ce retour de... J'ai entendu ça, des mines, réouvrir des mines en Belgique. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a d'abord réouvrir les mines, il y a aussi... Marche un peu. Oui. Tu sais parler en marchant. Oui. Comment il y a réouvrir. T'essayes de savoir le. Là, ouais, c'est ici. Non, c'est pas. Tu dois pas faire ça. Tu dois juste le sans rien faire. Oui. Vas-y, vas-y. Force-le. Voilà. Force-le à tenir. Hein. Voilà. Normalement, il tient. Attends, parce qu'il est trop bien. Tiens le micro si tu veux. Oui. Je veux le faire. C'est parce qu'avec le vent, il y a peut-être. Voilà. Là, tu vois, je sais lui parler, moi. Je le connais. Hein. Bon, ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, alors? Parce que c'est une véritable question sur nos manières de vivre, de profiter de la modernité, du confort. Enfin, moi, je te dis, je me souviens qu'on en avait déjà un petit peu abordé. Je sais que peut-être tu ne me crois pas, mais moi, je suis prête à remarcher. D'ailleurs, j'ai plus de bagnole. Quand je dis remarcher, marcher avec mes pattes. Oui, oui. Je veux dire, ne pas avoir de téléphone, retrouver une vie beaucoup plus riche d'humanité, quoi. Hein. Je suis prête à ça. Mais après, c'est la question, est-ce que les autres gens... C'est ça, oui. Est-ce que tout le monde... À mon avis, il y a un début de prise de conscience, mais c'est encore une minorité, quoi. On est encore loin du compte. Où, par exemple, tu as vu les déchets. On a quand même des services maintenant qui ramassent les déchets clandestins là. Ouais. Mais il y en a tout le temps ici. C'est, mais pourquoi c'est comme ça, tu crois? Moi, j'ai mon avis. Hein. Mais parce que ces déchets sont payants, tu vois. Oui, mais tu payes la taxe sur les poubelles, mais il y a des gens qui, malgré tout, plutôt que d'attendre un jour pour avoir le jour de passage des poubelles, ben, on va jeter dans la nature. Regarde, on vient... Oui, là, la canette, là, mais... Etc. Il est venu avec une canette remplie et il ne sait pas prendre une canette vide. Ouais. Là encore une fois, je pense que il y a un manque de formation, un manque d'éducation qui est... Je ne sais pas si c'est ça, moi. Je ne sais pas si c'est ça. Mais reprenons notre histoire, sauf si tu tiens à continuer, non. Sur l'histoire des mines qu'on va réouvrir. Est-ce que ça va se faire ou pas en Belgique? Alors, tu es au courant un peu de ça? Alors, en Belgique, justement, il y a un décret, le décret Tellier, qui est mis à mal pour l'instant, on en a parlé avec Paul Lotens il n'y a pas longtemps, parce qu'on travaille là-dessus aussi. On a découvert à la Calamine certaines... C'est quoi la Calamine? La Calamine, c'est un village à l'est de la Belgique, où il y a des mines de... De je ne sais pas. Aïe. Non, ça va mal à ouais. Ah oui, ça c'est le problème. Mal à ma cheville. Ça glisse. Ah. Ça va? Ouais. Ça alors. Ouais, c'est sur le mousse, ça glisse. Ça continue à tourner. Je crois que je vais le garder là. Oui, ça glisse, c'est ma chaussure. Ça, c'est incroyable, quoi, parce que les gens ne l'ont pas vu, mais je me suis vraiment rétamée par terre, quoi, d'un coup. Allez, on reprend alors. Et donc, en fait, on a découvert qu'il y a des terres rares, il y a des roches, etc., qui peuvent servir pour la fabrication des voitures électriques, des batteries notamment. Et donc, on met à mal un décret qui interdit de réexploiter ce genre de choses. Mais comme il y a des intérêts économiques, apparemment, on essaye de passer en force au niveau de certaines choses. Quoi. Et donc, voilà. Quoi, en gros, si je comprends ce que tu dis, c'est qu'il y a un interdit de... Oui, pour préserver un peu la nature, etc. Et c'est hypocrite déjà parce qu'on va polluer ailleurs. Non mais non. Regarde, il est marrant cet arbre hein, comme ça croisé, c'est oui. Drôle, regarde. Ouais. Et ouais, alors ça c'est un arbre particulier. C'est un robinier faux acacia. On le reconnaît à son écorce un petit peu torturée comme ça. Ouais. Et c'est un arbre spécial qui a une histoire aussi. C'est un arbre invasif hein, qui est apparu sur les terris. Il est venu, voilà, il n'y en avait pas, puis tout d'un coup il a trouvé sa place sur les terris et au départ comme c'était invasif on voulait le couper et puis on s'est rendu compte qu'il avait les mêmes caractéristiques que les sapins et en fait on utilise les sapins dans les mines parce que c'est un arbre qui chante, les mineurs disent qu'il chante. Donc quand on faisait les boisages, quand on étançonnait les galeries de mines, on utilisait rarement du hêtre ou du chêne, parce que ce sont des arbres qui cassent d'une fois, sans prévenir. Tandis qu'un sapin, il va crier. Et donc les mineurs savaient qu'à ce moment-là, il fallait ou renforcer le boisage, ou bien s'en aller, parce que ça allait s'effondrer. Malin. Oui, ouais, mais les mineurs avaient un tas de choses ainsi. Pour l'eau, pour le grisou, ils avaient pour le grisou, ils descendaient avec des canaris. Et quand le canari mourait, ils savaient qu'il fallait partir, quoi. Mais pourquoi il mourait, le canari ? Manque d'oxygène. Parce qu'il y avait du grisou. Donc, mais c'est quoi encore du grisou ? Le grisou, ben, c'est du gaz, quoi. C'est les gaz qu'il y avait dans les charbonnages. Et donc... Parce que tu utilises tout un vocabulaire, mais oui. Je ne connais pas, vaguement, tu vois. Oui. Ben, le grisou, en fait, c'est un gaz mortel dans les mines, hein. C'est ouais. du gaz carbonique, en fait. Okay. Et alors, les bois sont entrés en décomposition, enfin en carbonisation, etc. Donc ça libère. Voilà. Ouais. Encore aujourd'hui, les puits de mines rejette encore du grisou. Hein. Et donc... sur la mine. Le retour des mines. Donc si je comprends bien, il y a un interdit qui empêche d'exploiter les mines. Mais oui, en fait, c'est un peu l'hypocrisie du système. Hein. Ouais. On vote une loi quand on sait que ça ne dérangera pas. Mais on va le faire ailleurs. On va le faire ailleurs. On va polluer, exploiter ailleurs. Quand ça devient intéressant, ben, on change la loi, quoi. Et donc, l'évolution de ce nouveau décret, ce serait de pouvoir réexploiter. Mais pas que les mines, rien, tout ce qui est exploitation, carrière, mine, etc. quoi. Y compris les charbonnages, tu vois. Mais des carrières, il y en a. Il y en a qui. Il y en a en Belgique. Oui, mais pas de charbon. Nous, il n'y a que. Ah oui, du charbon, oui, tu parles. En fait, il y a une différence entre carrière et mine. Parce que tu peux avoir des carrières souterraines aussi. Donc des carrières de charbon ? Waouh ! Ah ouais, des carrières de mine, c'est comme ça qu'on dit. Je fais gaffe, moi, parce que... Mais je comprends pas comment ça se fait que je me suis... Regarde, j'ai quand même des chaussures... des chaussures balèzes, tu vois ? C'est ça ? Mais il faut dire aussi que tu vois le schiste... Il s'effrite à la longue et ça devient des petites... Des petits granulés. Des petits granulés comme ça, ouais. Et alors, quand c'est gorgé d'eau avec des feuilles en décomposition, ben, ça fait une patinoire. C'était d'ailleurs amusant quand j'étais gamin. On descendait les terris comme ça. Donc, on faisait des toboggans sur les terris. On prenait un vieux couvercle de casserole et puis on. Oui. T'as vécu un temps vraiment que tu dois halluciner de notre monde aujourd'hui. Oui, quand je compare la vitesse à laquelle on a évolué, c'est parce que bon, moi, dans les années 60, on vivait encore comme à l'entre-deux guerres, quoi. Donc j'allais encore dans ma famille parce que mon père était originaire de Courtil-Noirmont. C'était encore il y avait que des fermes, quoi, à l'époque. Hein. Et c'est où, ça, là, originaire de... C'est le Brabant, c'est du côté de... du côté de Wavre, Jodogne, par là. Bon, attends, parce que... À l'époque, étaient ruraux, et qui maintenant sont devenus des quartiers résidentiels, quoi. Ouais. Ça, c'est une autre polémique, parce que moi, je suis parti habiter à la campagne parce que j'aimais bien. On avait des vaches. Nous, on a encore des poules, on a encore un coq, etc. Et quand on voit que maintenant, il y a les... Fais gaffe, hein. Les néo... urbains. Oui, c'est ça, ceux qui viennent de ville, tout respect parce qu'il y a, un coq. Et je le vois quotidiennement. À côté de ça, ils ont un chien et on fait chier le chien sur le trottoir, quoi. Donc, un coq qui chante, ben, ça dérange. C'est de la folie, non? Oui, oui, tout à fait. C'est dingue, oui. C'est ça. Il y a un gars qui a mis sur Facebook la semaine dernière. Il y a un cheval qui est passé et le cheval a crotté. C'est une crotte de cheval par rapport à une crotte de chien. C'est quand même différent parce qu'il y a de la paille, etc. Donc, mais le gars, il a fait un caca nerveux, c'est le cas de le dire, parce qu'il y avait du crottin de cheval sur la rue devant chez lui. Mais c'est pas vrai, quoi. Ben voilà, on en est là, quoi. On en est là. Oui, et alors, mais oui. Ça aussi, c'est un autre problème. Allez, nous, on est allé habiter à la campagne parce qu'on aimait bien les grands espaces. Maintenant, les agriculteurs ne trouvent plus de repreneurs. Ils vendent leurs terres comme terrain à bâtir, donc parce que ça se vend 10 fois plus cher qu'un terrain agricole. Uh-huh. Là encore, il y a une décision politique à prendre. Évidemment, hein. Évidemment. Voilà. Et on en fait des lotissements. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant, on avait du blé à la ferme, on avait de la farine à la ferme. Ben maintenant, on est obligé de faire venir de la farine d'Ukraine parce que le terrain où on cultivait, c'est devenu des habitations. Ben oui, c'est vraiment bien que tu expliques tout ça. Parce que c'est des choses concrètes, mais oui. Des règles, des politiques menées. C'est ça, hein, oui. En fait. Hein, c'est Et ça. Là encore, c'est une question d'économie. Parce que plus il y a d'habitations sur un territoire... plus ça va rapporter à la commune avec les et plus ça va rapporter aux promoteurs, etc., aux propriétaires. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui... C'est souvent des immeubles à appartements qui appartiennent souvent à des promoteurs immobiliers et plutôt qu'à des particuliers. Donc, en fait, ce qui est dingue en discutant comme ça, c'est que tout a un rapport... Absolument. À l'argent tout le temps, quoi. Oui, oui. C'est ça, hein, le problème. Oui, oui. Tout est comptable tout le temps, quoi, non? Et ça, c'est le jour où on comprendra que c'est l'être humain qui doit prendre la place de l'argent, on aura fait un grand pas. Oui, et du coup, ça crée aussi des sociétés, de nouveau, la populace, les petites gens. Alors, pas toutes, évidemment, mais ça rend les gens insupportables, quoi. Oui, genre, ils voient le caca de cheval, comme t'expliquais, et c'est la fin du monde. Où on va, quoi. Tu vois, ça rend les gens cons, oui, quoi. Oui. Notre monde, notre société moderne, nous, parce qu'évidemment, le globe, il est vaste, hein, y a plein de gens dessus, mais nous, on est du côté riche de la planète, et ça nous rend cons, non? Oui, mais ça aussi, après, je t'en vais t'en parler, mais je veux montrer ça ici. Alors, l'éthérie, c'est devenu un truc avec une biodiversité. Tu vois, ici, on a des merisiers, donc c'est des cerisiers sauvages. Et ça, c'est de la lierre. C'est une plante comestible. J'ai entendu ça. Tu connais? Ouais. C'est de l'ail, en fait. Mmh. Et alors, le lierre sur le terri. Oui. La lierre. À ne pas confondre avec le lierre. Okay, la lierre. De ail, hein. Voilà. Étymologie. Ouais, c'est incroyable toute cette histoire. C'est une longue histoire, oui, ouais. ça raconte l'histoire avec un grand H. Ouais, hein. Ouais. On est en plein cœur d'une histoire ici sur le terri. Et le terri de où encore? Ici, c'est les Hirscheuses, à Marcinelle. Voilà. Alors, c'est aussi appelé le terri du 12. Parce que à l'époque, c'était la société de Marcinelle et ils numérotaient leur terri. Et c'était ici, c'était le numéro 12, qui en fait a rassemblé des terres de plusieurs endroits. Il y a des terres qui venaient d'un charbonnage proche du bois du casier, le charbonnage du cerisier. Et alors les puits de mine qui sont ici à l'entrée où on est garé, ça c'était le numéro 8, je crois. Et de l'autre côté, il y a un complexe commercial Et au milieu du parking, il y a un enclos avec encore deux autres points de mine qui étaient là, le 12. Et donc tout le quartier s'appelait le quartier du 12. Voilà, tu vois les terrils, bah, au départ c'était un tas de cailloux, maintenant on a une biodiversité, tu vois, il y a des ronces. Ah ouais, c'était un tas de cailloux au-dessus ? Ben, c'était du schiste et du grès. Hein. Ah voilà, et donc la terre et la végétation a poussé quoi ? Voilà, par étapes successives, mais en une cinquantaine d'années, on a des terrils, ben, tu vois ici c'est devenu une forêt, il y a des terrils où il y a du gibier, on va retrouver du chevreuil, on va retrouver... Ouais, c'est... Oui, d'ailleurs ici, au terri du Martinet, à Roux, ils sont envahis par les sangliers. Ouais. Ils ont même dû faire appel, la région wallonne a fait appel à des chasseurs pour essayer de diminuer la quantité de sangliers qui se déplacent sur le terri, parce que ça crée des problèmes avec les riverains. C'est vrai que c'est... La nature, elle reprend ses droits, quoi. Oui, c'est ça. On l'a vu avec le Covid aussi, hein. Oui, aussi, hein. Ça aussi, et ça, c'est aussi, avec notre association, les terribles, on a vu ça, à l'heure actuelle, ça explose, les gens qui veulent sortir de chez eux, on a des visites sur les terribles, il suffit qu'on les annonce, et on a... Ah ouais ? Ah oui. Ici, on a fait, sur les terribles, à côté du bois du Casier, on a prévu un jour, en deux jours, on avait 80 réservations, on a mis une seconde date, même chose, quoi. Quoi, c'est comme ça depuis longtemps, ou bien t'as vu une recrudescence ? Alors, pendant le Covid, on avait déjà des demandes, mais assez limitées, mais depuis un an, je vais dire, ça explose. T'expliques comment ça ? Pourquoi ? Ben, les gens ont envie de sortir, les gens se sont rendus compte que, ben, avec le Covid, ça les a fait réfléchir un petit peu, et ils se sont dit, ben oui, mais on vit toujours enfermé chez nous. En fait, c'est un petit peu paradoxal, c'est qu'avant, les gens, ils sortaient pas beaucoup plus, je pense. Hein. Avant le Covid, tu crois ? Avant le Covid, ben, on était devant son ordinateur, etc. Et puis, tout d'un coup, on interdit aux gens de sortir. Et à mon avis, c'est une réaction comme ça. Ils se sont dit, on nous a interdit de sortir, mais nous, on veut sortir. Mais quoi, c'est depuis longtemps. Je crois que, je sais plus, j'ai déjà posé la question, que vous faites ces balades sur le terri. Alors, ben, nous, on a commencé en 2022. Mais il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, mais non, mais avant, on travaillait avec la Maison du Tourisme de Charleroi. Et donc, on proposait des visites. Mais je ne sais pas pourquoi... Quand c'était la Maison du Tourisme qui gérait, on avait très peu de gens qui venaient aux visites individuelles. Et puis la Maison du Tourisme a trouvé que c'était énergivore pour eux, ça leur coûtait un peu trop cher en gestion. Et ils ont laissé tomber, quoi. Donc ils nous ont dit un jour, écoutez, nous on ne garde plus que les visites de groupe. Si vous voulez faire des visites individuelles, on vous aidera. Mais nous, on ne les fait plus. Et donc, nous, comme on était en groupe, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer de lancer quelque chose. Et puis, bon, ben, on était un peu emballés aussi parce que c'était nous qui gérions, quoi, à ce moment-là. Et donc, on a développé tout un tas de visites. On a développé des visites à vélo aussi. Et maintenant, ben, d'autant plus que maintenant, il y a des ravels, il y a les poineux, etc. Donc, au niveau vélo, il y a moyen de faire de très belles choses. Et... on a une clientèle fidèle, il y a des gens qui reviennent à nos visites parce qu'ils apprennent des choses, parce que même parfois on fait des visites dans Charleroi, des gens de Charleroi nous disent « mais je ne savais même pas qu'il y avait ça à côté de chez moi ». Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est aller pointer du doigt ce qu'il y a à voir, quoi, quelque part, où on a l'habitude de passer à côté sans voir, quoi. Oui, c'est ça, et ça prend un regain peut-être, oui, hein. Parce que t'as laissé tes phares allumés ? Non. C'est pas ta voiture ? Moi, c'est la voiture devant. Ok. Oui, on se demande, c'est pourquoi la raison de ce réveil comme ça pour ce qui se passe autour. Les gens ont... Peut-être que grâce au Covid, les gens se sont rendus compte qu'il ne fallait pas nécessairement prendre l'avion pour aller découvrir quelque chose. Oui, ou peut-être que la vie devient plus chère. Oui, c'est ça, il y a toutes ces raisons, ça devient... Moi, c'est mon cas aussi. Hein. Je connais mieux les musées de Prague que certains musées de chez nous, quoi. C'est... Alors que, parce que j'étais comme tout le monde. Hein. Quand j'avais l'occasion de partir, j'allais au loin. Alors oui, que... c'est ça, sûrement, ouais. Voilà. Et puis j'ai appris à redécouvrir ce que j'ai vécu pendant mon enfance, etc. Et je me suis dit, tiens, oui. Avec même parfois un petit air de nostalgie, parce que, par exemple, je collectionne les fossiles sur les terris, mais à l'époque où les terris étaient exploités, ça ne m'intéressait pas. Et donc je dis, je suis assez à côté de certaines choses. Oh, que... ça, écoute. Pour terminer, je vais te montrer ici. Enfin, je ne sais pas combien de temps il reste. Mais t'inquiète, j'adapterai parce que je... C'est encore de l'Allière. Ouais. Sur tous les points de mine, tu as ce genre d'inscription. Alors ici, c'est moderne. Donc on a point de mine, on n'a plus le nom de la concession. Sinon, voilà. Monceau-Fontaine, Marcinelle Nord. Donc, à l'origine, c'était la société de Marcinelle Nord qui a été rachetée par Monceau-Fontaine. Et ce numéro, c'est le numéro de... c'est un numéro attribué par la région Wallonne. Donc, il y a un site de la région Wallonne où on peut aller retrouver certaines informations sur les puits de mine. Idem sur les terris. Et là, on a même une page où on va parler de la faune, la flore, etc. Alors, ici, tu vois, c'était le numéro 8 de Marcinelle Nord. Puits de retour, PR, 93 mètres de profondeur, et il a été scellé en 2018. Ça veut dire qu'on a mis une dalle en béton, mais ça ne veut pas dire que le charbonnage a fonctionné jusqu'en 2018, puisque ici, ils ont arrêté dans les années... fin des années 60. Alors, puits de retour, pourquoi ? Parce que tu vois, l'autre puits est là. C'est un second puits. Ouais. Et en fait, il y a un puits d'extraction qui va descendre jusqu'au fond de la mine, qui va reprendre tout... donc, il y a des galeries de mine à différents niveaux où il y avait des veines de charbon. Et lui, il va descendre jusqu'au bout. Celui-ci, tu vois, il ne fait que 98 mètres. Celui-là, il doit descendre vers à 900 mètres à peu près. Et en fait, sous terre, tu as un tas de galeries. Et ces galeries, il faut les ventiler. Et bien, c'est pour ça qu'il y a deux puits. Parce qu'on créait une circulation d'air à l'intérieur. L'air froid entrait par le puits d'extraction et il remontait par ce puits de retour. Et alors, il y avait aussi des puits d'exor. Des puits de ? D'exor. Ça veut dire ? C'est où on pompait l'eau. Ok, des puits d'exor. Ouais. Toi, tu dis ça comme ça. Ok. C'est technique, hein, donc. Oui, c'est très technique, hein, mais il y a des fois quand je te laisse parler, parce que sinon je poserai des questions tout le temps, parce que je ne comprends pas ce que tu dis, c'est trop technique. Mais on arrive à la fin, où on arrive, allez, pour faire deux émissions, oui. Ça c'est, je t'explique moi ma technique, c'est que si on fait deux émissions sur le sujet, c'est beaucoup, hein. deux heures quoi, oui. Ce sera en deux parties. Si on veut encore, il resterait, parce que sinon je dois trouver un son qui serait autre que notre conversation, je trouve ça chouette de boucler les deux heures, tu vois. Il reste quoi, 15 minutes? Mais qu'est-ce que tu auras envie de dire sur pour boucler tout ça ? Mais moi, je peux couper, on se met dans la bagnole. Oui, ou bien on va quelque part. Voilà. Ben voilà, on va terminer alors notre rencontre dans un café. Oui, mais en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui était important dans le temps. Maintenant, ici, on est encore dans un des derniers cafés, populaire comme ça, où les gens se rencontrent encore. Mais à l'époque, où les charbonnages tournaient, où les industries tournaient. Une des industries importantes dans la région aussi, c'était les cafés, c'était les brasseries. Et donc, on avait quelques grandes brasseries qui avaient des cafés un petit peu partout autour des quartiers populaires. Et les gens se rencontraient, les gens se parlaient, pas nécessairement pour se saouler, c'était... À l'occasion aussi, parce qu'on On faisait la fête, etc. Oui, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, y a beaucoup de quartiers où ça manque. Quand je fais des visites, par exemple, les gens, après, ils aiment bien de s'arrêter, prendre un verre avant de... Oui, c'est convivial. Voilà, c'est ça. Et il n'est pas question non plus de se saouler, c'est boire un verre. Et en fait, des petits cafés de quartier, ça a disparu parce que les gens restent chez eux. Avant, les cafés, les jours de paie, évidemment, faisaient le plein, mais tout le temps, les ouvriers repassaient après leur travail, ne fût-ce qu'une demi-heure. C'est une tradition que j'ai encore retrouvée, c'est en Irlande. Lors d'un voyage en Irlande, j'étais assez étonné de voir que le soir, on rentre du travail, on va peut-être manger, etc. Mais après, le soir, on va prendre un verre au pub. Et c'était ce qu'il y avait actuellement. Encore aujourd'hui, tu veux dire ? Oui, encore aujourd'hui. C'est encore dans les mœurs. Et là aussi, l'Irlande, il y avait des quartiers, il y a eu des charbonnages, etc. Donc, au Pays de Galles. Et là, ils ont gardé un peu cette tradition que chez nous, ça s'est perdu. C'est devenu beaucoup trop individualiste. Oui. Ça, c'est vraiment... Comment on pourrait terminer là-dessus, à moins que toi, tu aies envie... c'est sûr qu'on... De toute façon, on termine, en fait, sur le fait que... On remarque il y a le collectif, c'est ça, on a sapé dans les... Donc il y a la dame qui apporte notre boisson. On dit un Orval et des Orvaux. Non. Comment on dit des ? Ah, des Orvals. Des Orvals, oui, oui. Voilà. Et la tienne. Hein. Oui, merci. Mais... Oui, c'était l'idée, c'était de te dire qu'on allait terminer cette émission avec le fait que ouais, le collectif, c'est ça qu'il faut retrouver parce que. Oui, alors quand on voit Charleroi d'aujourd'hui par rapport à l'époque, ou quand on voit des photos d'époque ou des rues comme la rue Neuf, c'était très très très populeux, etc. Et aujourd'hui, ça s'est vidé. Bon, il y a eu les travaux, mais il n'y a pas que. La ville de Charleroi, elle s'est vidée dans les années 70, au moment où c'était tout à la voiture et où la population est partie des villes. Quoi. Et c'est assez paradoxal parce que les gens quittaient Charleroi. Moi, c'est mon cas parce que j'étais à 3 km du centre de Charleroi. Tu veux dire que les gens... Là, je ne suis pas très bien. Tu veux dire que les gens quittaient la ville parce qu'ils avaient des voitures ? Là, je comprends pas. Ils pouvaient se déplacer en voiture, oui. Ils venaient bosser, alors, c'est ça. Charleroi, et puis ils quittaient. Parce qu'à l'époque, assez paradoxalement, Charleroi était très pollué. Du fait que Charleroi est bâti dans une cour d'usine, quasiment. On l'appelait la ville noire, non ? Le pays noir, oui. Pays noir, voilà. Oui, voilà, oui, oui. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est devenu le pays vert. Et il faudra un peu de temps, mais pour l'instant, la ville est un peu déserte. Il y a des quartiers un peu moins sécurisés, mais comme dans toutes les grandes villes, on met toujours Charleroi en avant, mais il n'y a pas plus d'insécurité qu'ailleurs. Maintenant, c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des règlements de compte, mais pas comme on les connaît à Bruxelles. Hein, c'est assez marginal par rapport à ce qu'on voit dans d'autres grandes villes. Mais bon, il y a cette réputation qui a été faite à une époque. Et donc, les gens sont un peu frileux pour revenir vers le centre-ville, bien que j'en rencontre de plus en plus de gens, même des gens du Brabant wallon, maintenant, qui envisagent de revenir habiter à Charleroi. Bon. Mais pour quelles raisons ? Les loyers, et puis bon... Moins cher, et alors on a reconstruit la ville, il y a quand même des travaux qui ont été faits. Bon, c'est plus comme avant, hein. Il y a toujours les nostalgiques de « c'était mieux avant », mais bon, le passé, c'est le passé, il faut vivre... malgré que celui qui oublie son passé n'a pas d'avenir, il faut quand même évoluer, et donc la situation, elle est là, et on doit pouvoir relancer les choses maintenant. Moi, je vais à Charleroi régulièrement, ça ne me dérange pas, mais je connais beaucoup de gens qui... il faudra encore changer les mentalités, donc on est encore parti pour quelques années avant de réavoir une ville très populeuse, quoi. Bien que certains événements amènent pas mal de gens. Hein, quand on voit ici, pour l'instant, il y a la foire, c'est bon blindé de gens, donc voilà. Ah, ça. Bon, on arrive à la fin. On termine sur quoi ? Sur ça ? Je pense, oui, parce qu'on a fait un peu le tour. Hein, donc, On pourrait, bon, on peut repartir sur d'autres choses, mais bon, voilà. Non, moi, je vois plus. Je trouve qu'on a abordé plein de sujets à la fois. C'était chouette. Merci. Mais c'est ça la richesse des visites qu'on fait sur les terris, parce qu'en fait, rien qu'avec un terri, tu vois, on peut parler de plein de choses. Voilà, et on n'a même pas parlé de la nature, on n'a pas parlé de... Voilà, c'est... Ce qui est sûr, c'est que sur les terris, la nature reprend ses droits. Ça, c'est clair. Oui, oui. Et ça devient des points qui pourraient même devenir certains... Dans le nord de la France, c'est déjà le cas. Il y a certains terris qui sont devenus touristiques, carrément, où il y a des bases nautiques, où il y a... C'est pas chiant, ça ? Non, parce qu'avec une gestion saine, mais il faut gérer ça au niveau d'une région, tout le monde peut y trouver sa place, quoi. On peut avoir des sentiers, on peut avoir des zones protégées avec des réserves naturelles. Il y a un vignoble à un endroit, donc voilà. Je pense tout de suite au tourisme de masse, quoi. Ça, c'est ravageur, hein. Oui, oui, oui, ça, c'est ravageur, mais... Dernièrement, je suis allé en Campine. Ben, les charbonnages, les terris de Zolder et de compagnie sont aménagés. Et c'est devenu des lieux touristiques où c'est tellement grand que... parce que, bon, on a par exemple la Boucle Noire. Il y a 15 000 personnes qui viennent par an sur la Boucle Noire. Donc, il y a beaucoup de gens, mais c'est pas trop populeux. Ok, merci à toi, Jean-Paul. Avec plaisir. On avait rendez-vous à 9h10 à la gare et il est 11h30.